Seigneur, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô? ...57 rue de Varennes, de François Perrache. Deuxième saison, partage de minuit. Les puissants sont souvent des ratés du bonheur. De là vient qu'ils ne soient pas tendres. 57 rue de Varennes. 9e épisode. Mes amis, l'étau se resserre lentement sur le Premier ministre Gerland. Sa tentative de lancer une rumeur de remaniement est en train de se retourner contre lui. Averti de cette menace, le ministre de l'Intérieur, Pablo Mercadal, a fomenté l'arrestation du député Dominique Pelletier, pressenti pour prendre sa place. La hache de guerre est déterrée et Pablo Mercadal repasse à l'offensive. Il est venu à l'Élysée menacer le président de dévoiler les conditions crapuleuses de l'assassinat de l'ex-ministre de la Santé, Jean-Philippe Bielanski. Pas de quoi, cependant, couper l'appétit de nos personnages. De retour du conseil, Pierre-Yves Gerland déjeune rapidement en attendant de faire le point avec son directeur de cabinet. Excuse-moi, je n'ai pas attendu, j'ai 20 minutes pour manger. Je t'en prie, moi aussi je vais déjeuner sur le pouce. Jean-Pierre, vous servez Christian, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Mettez-moi directement le plat, ça ira très bien. C'est quoi ? Turbo poché au mori ou caneton tour l'argent, monsieur. Je te recommande le canard. Non, le canard au sang, pour moi, c'est à Rouen et nulle part ailleurs. Je vais prendre le poisson, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Alors, comment ça s'est passé à l'Élysée ? Mal. Enfin, le conseil, RAS, mortel, comme d'habitude. Mercadal et Joyau se chronométraient pour savoir qui parlerait le plus longtemps devant le président. Mais avant le conseil, avec le vieux, c'était violent. Faut que je te raconte. Moi aussi, faut que je te parle. J'ai pris mon petit déjeuner avec le patron du renseignement. J'ai plein d'infos. Mais vas-y, commence. C'est une mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles, c'est mon métier. Donc, le président a commencé par me souffler dans les bronches au sujet de Pelletier, évidemment. On va essayer de le sauver. On lance le plan hors sec tant que c'est encore maîtrisable. Mercadal s'occupe d'étouffer le vol des policiers. Ça devrait pas être trop compliqué, ils ont déjà identifié la source de la fuite. Et de son côté, Pelletier va faire une opération de charme à la télé. Il adore ça, les interviews, mais c'est pas son truc. Il passe quand ? Ce soir, aux 20h chez Japix. On ne devrait pas être trop pugnace. Mais le président m'a quand même demandé de le faire coacher. Tu m'en diras tant. On prend pas d'agence, autant pas laisser de traces. Je demande à Laurence de s'en occuper elle-même. Très bien. Elle le coach ici, à Matignon. Je veux pas qu'il y ait la moindre fuite cette fois. Mais c'est pas Pelletier la mauvaise nouvelle. Mercadal a débarqué dans le bureau du président. Il sait tout pour Bielanski. Oui, je suis déjà au courant. Bah comment ça ? Pourquoi tu m'as pas prévenu ? Parce que je l'ai appris au petit-déj. Et j'ai pas perdu mon temps avec le DG ici, crois-moi. Je te la fais courte, mais en gros, 1. Mercadal sait tout. 2. C'est lui qui a organisé l'arrestation de Pelletier. Ouais, c'est ce que je me suis dit, évidemment, quel fumier. C'est pour ça que je lui fais pas trop confiance pour sauver Pelletier maintenant. Si, il va le sauver. Mercadal s'en fout complètement de Pelletier. Il s'amuse avec, il le fait arrêter, il le sauve. Le DGSI m'a dit texto, Pelletier c'est un apéritif. Et donc, 3, accroche-toi bien, Mercadal a récupéré tous les documents de Bielanski sur les comptes de campagne. Ça aussi, on le savait. Turbo poche au mori. Et merci Jean-Claude, il se prépare à tout balancer en annonçant sa démission. Quoi ? Et merde ! Attendez, monsieur, je vais vous essuyer ça. Non mais c'est bon, c'est bon. Je m'en occupe, Jean-Pierre. Merci. Je demandais plutôt à Armel qu'elle m'apporte une autre chemise et un pantalon propre. Oui, monsieur. Si tu changes le pantalon, faut changer la veste. Jean-Claude, demandez à Armel qu'elle fasse apporter un costume complet. Oui, monsieur. C'est Jean-Claude ou Jean-Pierre ? Claude. Mais ça fait 2 ans que je l'appelle Jean-Pierre, pourquoi il m'a rien dit ce con ? Donc, Pierre-Yves, l'enjeu, ce n'est plus de faire craindre un remaniement Mercadal. Ça va être de l'empêcher de sortir. L'enfoiré. Il veut jouer les chevaliers blancs, c'est ça ? Pas question qu'il démissionne. Il serait 2 fois plus dangereux dehors que dedans. C'est bien mon avis. Faut que t'en discutes ce soir avec le président. Ah bon ? Je revois le président ce soir, moi ? On dîne avec le PR et le secrétaire général. À 21h au château. On est le 2e mercredi du mois, je te rappelle. Ah oui, j'oublie à chaque fois. Là, au moins, avec Mercadal, on tient un beau sujet de conversation. Bon, j'appelle tout de suite le PR pour lui en parler. Ok, Pablo, c'est la guerre. Putain, s'il démissionne, on est mal. Allez, Gerland à l'appareil. Je peux parler au président ? Pelletier ? Oui. Bonjour, monsieur le député. Bienvenue à Matignon. Je suis officier au groupe de sécurité du Premier ministre. Qui arrive, il est là, je peux le voir. Je vais vous demander de bien vouloir me confier vos effets personnels, s'il vous plaît. Portefeuille, téléphone. Vous voulez peut-être mes clés, tant qu'on y est ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Vous pourrez tout récupérer en partant au poste de contrôle Est. C'est où, le poste de contrôle Est ? Pardon, je suis venu sans ma boussole. C'est la petite entrée par où vous êtes arrivé, monsieur. Derrière l'ambassade d'Italie. Ce soir, un véhicule banalisé vous attendra côté rue de Babylone, au bout des jardins, pour vous conduire au studio de télévision. Oui, bah avant, il faudra que je repasse chez moi, hein, et que je récupère des dossiers à l'Assemblée. Vous n'en aurez probablement pas le temps, monsieur. Je vais vous demander de bien vouloir écarter les bras. Pardon ? Je vais vous demander de bien vouloir étendre les bras à l'horizontale, s'il vous plaît, monsieur. Regardez-moi bien. En 30 ans de carrière, j'ai jamais accepté d'être fouillé, même dans les aéroports. Dans ce cas, monsieur, on m'a chargé de vous indiquer que l'entretien ne pourrait pas avoir lieu. Merci, monsieur. Vous cherchez quoi ? Une bombe ? Un micro ? Vous pensez que je suis assez con pour enregistrer le Premier ministre à son insu ? Remarquez, vous avez raison. Il paraît qu'il y a un collègue à vous à l'Élysée qui a perdu son poste en laissant un conseiller entrer dans le bureau du président avec un dictaphone. Je vais vous demander de bien vouloir écarter légèrement les jambes. Ouais, ben n'en profitez pas trop, hein. Vous faites un drôle de métier, vous ne trouvez pas ? Et je vous parle, là. Je ne suis pas habilité à engager une conversation, monsieur. Ouais, en revanche, pour me tâter le cul, il n'y a pas de problème. Je me suis toujours demandé, sur les images des gardes du corps à la télé, pourquoi vous avez toujours cet air con ? Et pourquoi vous regardez jamais la personne que vous protégez ? Le danger peut venir de n'importe où, sauf de la personnalité qu'on protège. Et on dit officier de sécurité. J'ai fini, monsieur. Je vous souhaite une bonne journée. Oui, c'est ça, une bonne journée. Putain. Allez-y, madame Vignon, les clines. Merci, Michel. Et Pierre-Yves, il est où ? Je veux le voir. C'est moi qui vais vous recevoir, monsieur Pelletier. Ça va ? Vous voulez faire une pause ? Vous voulez boire quelque chose ? Non, je fais pas de pause. On reprend tout de suite. Non, mais j'en peux plus. Et ça sert à rien. Allez, courage, Dominique. On a encore un peu de temps pour s'entraîner. Il faut en profiter. Steph, sers-lui un verre d'eau. Oui. Ouais, je sais. À quelle heure il faut y être exactement ? On a rendez-vous au studio à 19h30 pour maquillage coiffure. Ça nous laisse encore 2 bonnes heures de répète. Bon, je pourrais pas vous accompagner, mais Stéphane vous apportera les chemises, le costume et les cravates. D'ailleurs, on a choisi quoi finalement, Steph ? Le bleu marine et un gris pour la cravate. Ah oui, parfait. Vous serez sur le plateau dès le début à 20h pile. Il y aura sans doute un plan muet sur vous de quelques secondes. Là, faudra pas se rater, parce que la première impression est toujours la bonne. Surtout quand elle est mauvaise. Et l'interview elle-même devrait commencer à 20h20. Vous aurez 5-6 minutes, 7 maxi, si vous êtes un bon client. 7 minutes, c'est beaucoup trop long, je tiendrai jamais. Mais si, vous verrez, ça passera très vite. Concentrez-vous sur ce que vous avez à dire, ça ira tout seul. Mais il faut répéter. Allez, on reprend. Stéphane, ce coup-là, Chapix, tu l'as fait un peu plus agressif, ok ? Ok. Dominique Pelletier, bonsoir. Qu'est-ce que je dois dire déjà exactement pour commencer ? Mais il n'y a rien à apprendre par cœur, Dominique. Il ne faut surtout pas que ça ait l'air récité. Pensez seulement à ce que vous avez à dire. C'est une calomnie, vous êtes la victime, ils ont simplement contrôlé les papiers de la voiture, vous reconnaissez vous être un peu emporté contre les policiers, mais vous regrettez et vous vous êtes excusé. Et vous pensez surtout à l'honneur de votre famille. La famille, la famille, la famille. On y va. Stéphane, quand tu veux. Bien agressif. Hein. Dominique Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame Chapix. Dominique, ça fait 3 fois que je vous le dis. Et regardez-la bien dans les yeux. Là, tout le temps. Et décroisez les bras. Vous avez l'air complètement fermé. Là. Voilà, très bien. Les deux mains sur la table pour qu'elles ne bougent pas trop. Et pareil pour les jambes. Les pieds bien posés au sol. Pas de nervosité. Bien posés au sol. Bon, normalement, on a négocié qu'il n'y ait pas de plan large, mais bon, on ne sait jamais. Allez, on y retourne. Ce serait carrément mieux d'annuler. Mais non, soyez pas ridicule, Dominique. Vous y arriverez très bien. De toute façon, on n'a plus le choix. Bah, dites-vous que c'est comme quand vous avez passé le grand oral de l'ENA. Soit vous réussissez, soit vous pouvez tirer un trait sur votre carrière. Allez, Steph, on y va. Dominique Pelletier, bonsoir. Bonsoir, madame Chapix. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour cette interview exclusive. Dominique Pelletier, vous êtes député de la majorité, proche du Premier ministre, spécialiste reconnu des questions de sécurité, et vous faites l'objet depuis 24 heures d'une rumeur insistante selon laquelle vous auriez été arrêté hier soir à Paris en présence d'une jeune prostituée. Alors, avant de revenir sur le fond de l'affaire, j'aimerais vous demander pour commencer, Quel est votre état d'esprit ce soir, Dominique Pelletier? Que ressentez-vous? Je comprends rien, là. Comment ça se regarde ce truc-là? Pourquoi il n'y a pas de son? On le mettra juste au moment de l'interview. Bon, Guénaël, tu peux réexpliquer à Kim votre dispositif, s'il te plaît? Mais ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Hein. Ouais. L'idée, c'est de mesurer en temps réel l'impact du discours de M. Pelletier sur les téléspectateurs. Mmh. Ouais. Donc on a constitué un panel de 200 personnes, moitié-moitié, proche de la majorité, proche de l'opposition. Ouais. Donc ils regardent l'interview en direct à la télé et ils ont un petit boîtier où ils peuvent à tout moment cliquer sur un bouton pour dire s'ils sont plutôt d'accord ou plutôt pas d'accord avec ce qu'ils sont en train d'entendre. En direct? Oui, c'est du temps réel, seconde par seconde. Donc sur l'écran, là. Il y a en image de fond l'interview telle qu'elle passe à la télé en ce moment. Et en surimpression, ici, ces trois courbes mises à jour en temps réel qui donnent des votes d'approbation du panel. D'accord. Donc cette courbe-ci, là, c'est les panélistes qui se déclarent proches de la majorité. Celle-là, c'est l'opposition. Et ici, la moyenne des deux. Donc quand la courbe, elle monte... Ça va, j'ai compris. Mais pourquoi ça bouge déjà, là? Parce que le panel a commencé à voter depuis le début du journal. Ah, donc on sait en direct ce qu'ils pensent de chaque reportage. Oui, et même de chaque phrase dans le reportage. Mais c'est génial, ça. Il nous faut ça pour tous les discours de Pierre. Bah nous, on vous fait ça avec plaisir. Ouais, bah on va pas non plus gouverner à coup de sondage. Hein. Puis il faudrait peut-être voir les prix à la baisse, parce que ça coûte quand même un œil. Ça va être un Pelletier, là. Le son. Vous êtes député de la majorité, proche du Premier ministre. Proche? Merde, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Attends, Kim, s'il te plaît. Et vous faites l'objet, depuis 24 heures, d'une rumeur insistante, selon laquelle vous auriez été arrêté hier soir à Paris, en présence d'une jeune prostituée. Alors, avant de revenir sur le fond de l'affaire, j'aimerais vous demander pour commencer, quel est votre état d'esprit ce soir, Dominique Pelletier? Que ressentez-vous? Oh, à peine à l'image, il baisse direct. Oh, chut! Tais-toi. D'abord, merci. Leur chapix de me permettre de m'exprimer devant les Français au sujet de cette rumeur sordide. Allez, je suis une victime, je pense à ma famille. Je veux préciser une première chose. Je ne suis pas l'objet d'une rumeur, Madame Chapix. J'en suis la victime. Voilà. Je dérange, hein, visiblement. Et on cherche à me nuire. Qu'est-ce qu'il raconte, cet abruti? À m'abattre. Je ne sais pas, ça, c'est pas de moi. Ça. Mais je pense ce soir avant tout... À ma famille. Très bien, la famille. La famille. À ma femme. Sylvie. À ma fille. Clémentine, qui vient de fêter ses 16 ans la semaine dernière. Ça remonte direct, c'est génial ce truc. Ouais. Cette histoire épouvantable, abracadabrantesque. Ouh là là, ça existe, les a ça profondément blessées. Et c'est d'abord pour elle, et pour l'honneur de ma famille et de mes proches, que je voulais m'exprimer ce soir. Mais c'est qu'il est en train de remonter, ce con. Ouais. Salut Dominique. J'espère que tu excuseras la qualité de cette vidéo. J'avais que notre petit caméscope sous la main. Je parle pas trop fort parce que Véronique dort au premier étage. Comme on dit dans les films, si tu vois cette vidéo, c'est que ça aura mal tourné pour moi. Je sais pas quoi faire. Ne prenez pas de risques, monsieur le président. N'essayez pas d'influencer le président, monsieur le premier ministre. Vous deux, je vous écoute plus. Et vous, Christian, vous feriez quoi à ma place? Ne comptez pas non plus sur moi, monsieur le président. Je suis payé pour conseiller Pierre-Yves. Ça, je m'en souviendrai, Christian. Ne venez pas me voir dans 3 ans pour me demander la direction de la Caisse des dépôts. Bon, alors, qu'est-ce que je fais? Il est passé ou il n'est pas passé, ce roi? Il fallait compter, monsieur le président. Compter, toujours compter. Je ne suis entouré que de comptables. Et qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Pelletier, monsieur le président? Je dois dire que, pour ma part, je l'ai trouvé d'une éloquence rare. Alors, félicitations, monsieur le Premier ministre, pour votre coaching. Merci. C'est vrai qu'on partait de loin avec lui, mais Laurence a fait du bon travail. Et d'après nos premiers retours, il est tiré d'affaire. Je pense aussi. Je l'ai même appelé pour le féliciter. Je le vois demain matin. Vous le recevez ici, à l'Élysée? Oui. Le président doit tacitement manifester son soutien à M. Pelletier, puisqu'il a l'air sauvable. Il faut parachever sa réhabilitation dans la foulée. Ça risque d'énerver un peu plus Mercadal. Ça ne peut qu'accélérer son envie de démissionner, monsieur le président. J'y crois pas, à votre histoire de démission. Enfin, Pablo joue les maths à mort, mais il aura pas le temps de sortir, il a trop à perdre. Il lâchera jamais l'intérieur. Sincèrement, j'y crois pas. On trouve difficilement meilleure source que le directeur de la DGSI, monsieur le président. Mercadal vous balade. Ce petit ambitieux veut me forcer la main, mais il attendra pour Matignon. Ah, vous commencez tous à paniquer, hein? Du calme. Et on doit bien avoir des moyens de pression, non? C'est plutôt lui qui nous tient. Je coupe. Il a quasiment tout le groupe derrière lui. Bah évidemment. Il raconte partout qu'un jour il sera à ma place. Personne ne veut se fâcher. Il est intouchable dans l'opinion. Même sur le plan personnel, il est d'une probité désespérante pour un ministre de l'Intérieur. Pas la moindre affaire, pas d'argent caché. Inattaquable. Il doit être du genre à avoir tous ses points sur son permis de conduire. Ouais, moi aussi j'ai tous mes points. Ceci dit, j'ai pas trop de mérite, ça fait 40 ans que j'ai un chauffeur. Ah, Edwige, enfin, j'étais en train de me lyophiliser. Je vais vous demander de me faire un peu de place, messieurs, pour le plateau. Voilà. Attention à vos cartes. Oui. Merci, Molly Penny. Pour ces messieurs, les cuisines ont pensé à un côte rôti château d'Ampuis 2006. Oh. Oui, autant dire un vin de soif. Et votre bière, monsieur le président? Pas trop froide. J'espère que vous gagnez cette fois. Ça n'en prend pas le chemin. Je ne sais pas quoi jouer. Je peux vous poser une question, Edwige? Si ça concerne la belote, monsieur le président, je crains que ça ne dépasse mes compétences. Ça fait combien de temps que vous travaillez à la présidence? Je suis entrée dans la maison le jour de mes 20 ans, au pôle de secrétariat du président Giscard d'Estaing. C'était le 27 septembre 1976. Je vous laisse faire le calcul, monsieur le président. Et vous n'avez jamais pensé à démissionner? Si, monsieur le président. Tous les soirs, vers 20h, lorsque je m'apprête à rentrer chez moi et que vous m'appelez pour me dicter une lettre. Et qu'est-ce qui vous retient de démissionner? L'espoir d'une promotion, monsieur le président. Et la perspective de la retraite. D'ailleurs, il est près de 22h. Je vais rentrer chez moi. Je vous dis à demain, monsieur le président. Messieurs, bonne soirée. Bonsoir. À demain, Edwige. Oui, bonsoir. Bonsoir. Cette femme est un génie. Qu'est-ce qu'on aurait comme promotion à offrir à Mercadal? En dehors de ma place. Merci. Oh bah avec un périmètre élargi alors, il va pas se contenter de diriger les douanes. Sur un plan protocolaire, vous pourriez le nommer ministre d'État, c'est purement honorifique, mais monsieur Mercadal a gardé des gens simples le goût pour les colifichets. Les gens simples. Faut arrêter avec ce mythe du fils de petit immigré espagnol. Son père était un sculpteur très coté à Madrid. Et Pablo a passé son enfance dans un atelier d'artiste du 6e arrondissement. Ouais. Mon père était fraiseur à Boulogne. Il faut admettre que Pablo a eu un parcours exceptionnel. Quand on pense qu'à 20 ans, il n'y avait pas encore la nationalité française et qu'il finira peut-être à ma place... Ah, Inch'Allah, monsieur le président, Inch'Allah, comme on dit en Auvergne. Belote, rebelote et dix de der. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce que c'est exactement un fraiseur? C'est quelqu'un qui travaille avec ses mains. Ah. Poste. Je crève de soif. Reste pas du Perrier. Ton bac à légumes. Non, c'est gay ton truc. C'est quoi? C'est l'ensemble correspondance. Je les ai découverts au festival de Sainte pendant que t'étais à Berlin. T'étais en juillet, Berlin? Déjà? Dis donc, c'est pas un peu fort pour les voisins? Je suis pas sûr qu'ils apprécient Monteverdi à minuit. C'est plus la lande. Et y a personne chez les voisins. Les Berthiers sont à Marrakech et Alexia et JB sont partis hier dans le Luberon. Le Luberon au mois de mars. La chance. Bon, tu permets, je baisse quand même un peu, j'ai la tête comme un pot. Pourquoi tu les rejoindrais pas là-bas la semaine prochaine? Je suis sûr qu'ils seraient ravis de t'accueillir. Ça va, Isa? La semaine prochaine, je dois aller en Suisse. Isabelle, je t'ai déjà demandé de plus passer à cette banque. Combien il te faut? Tu veux vraiment me foutre dans la merde, hein, c'est ça? Je cherche quoi? C'est de la provoque? Je vais en Suisse voir le médecin qui s'est occupé du père de Pascal et d'Emmanuel. Et j'aimerais que tu m'accompagnes. Mais qu'est-ce que tu racontes, Isa? Tu veux que je t'accompagne en Suisse, comme ça, la semaine prochaine? Bon, on en reparlera quand t'auras cué. J'ai pas touché un verre depuis 22 jours. Mais ça non plus, t'as rien vu. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Et quoi, la Suisse? Quel médecin? Assieds-toi, s'il te plaît. Je peux très bien t'entendre debout. J'ai été diagnostiqué niveau 4 d'un cancer du pancréas. J'aurais pas le courage de supporter la douleur. Je vais aller en Suisse pour me préparer. Je t'ai toujours soutenu, Pierre-Yves. Là, c'est moi qui ai besoin de toi. J'ai tellement peur, Pivert. Tellement peur. À suivre. Rue de Varenne, de François Perrache. 9e épisode. Hervé Pierre, Chris Nyanguna, Luce Mouchel, Gilles David, Gilles Privat, Emeline Bayard, Yannick Choira, Antoine Gouy, Vincent Nemeth, Alain Rimou, Grégoire Osterman, Anne Deleuze, Brigitte Faure, Émilie Inserti, Thibaut de Montalembert, Antoine Sastre. Bruitage, Elodie Fiat et Sophie Bissante. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Chaleureux remerciements à la SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques, pour leur accueil amical. Prise de son, montage et mixage, Stéphane Desmonts et Émilie Couette. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Cédric Ossier. You know.